c'est donc à toi. Heaven is of honey and kisses. Je n'ai jamais cessé de marcher vers mes racines d'homme. These sans sourcier, sans boussole. Blossom channel. Sinon ma colère puisée dans le poumon du peuple. Les clameurs inédites. How de l'histoire. Do I know? Sinon mes How yeux n'ayant rien perdu du désastre okay. Des ruelles. Et la rareté du pain. J'avais mal à mes racines. Heaven is in the making. Seul remains unfinished. Dans le bois. J'ai le pied. A possibility. Mes souvenirs. Le miel de mes jours. Le temps où j'avais des amis. In the little dance. J'ai pied. Elisheba. Elisheba qui sous mes yeux devenait comme la chenille d'ordre de son cocon. Au-delà de la chrysalide, je voyais le poil soyeux lui pousser sur la main, ses oreilles poindre dans sa chevelure, de petites oreilles duveteuses. S'allonger. Elle devenait. Elle était la foi. Heaven is all remembered. Notre félicité. S-M-H-E-T-E. Notre air paisible. For idiots. Mais. Possessed by God, that just waste space. In case I wake up without a pen, cruel de ce brancard qui la convoite. J'aimerais tant être ce grand cerf. That heaven, être celui qui la rassure, mais je ne peux pas. Celui-ci nous accompagne dans la forêt. Royal jelly. Oh, sur nos pas, à distance. In the same. Vaciller et plonger dans ses pensées. How do I know? Celle qui tourbillonne. Sanglée dans la toile, rongée de l'oubli des hommes et de leurs erreurs. Cette vaste chimère prospère, elle s'étend sans cesse, ne cesse de nous épier. Elle n'est pas la matrice. Mais elle a d'autres intérêts qui semblent tout aussi menaçants. Elle est un monstre, une chimère qui s'avance et nous devance. Elle nous épie toujours. Elle nous hante. Elle court vers la ruine. Et tandis que marchent des hommes, marchent des maltronches, marchent d'Isheba, marchent Elio, marchent Colia, les araignées sommeillent, les araignées tout autres, mais les araignées sommeillent dans un drôle de sommeil car maintenant elles bougent dans leur sommeil et se rapprochent de tous, comme si il fallait se lever dans les aspérités de ce corps, comme si il leur fallait conquérir deux êtres pour elle, la forêt. Nous sommes couverts de toile. Les brindilles s'accrochent à notre chevelure. au reste de notre vêture datant de notre séjour à Medjugorje. Seul l'un d'entre nous n'a pas ces toiles d'araignée qui enténèbrent la forêt, cet argent vif couvert de perles de rosée. Il semble échapper à leur bleu, à leur raie. Il avance sereinement, le regard appuyé sur ses compagnons, ni ses vacillants. Et derrière lui, qui ferme la marche de notre petit groupe, avance de façon saccadée, se fondant dans le paysage, se coulant d'un tronc aux broussailles, surgissant suspendu aux pieds des plus bas. Soudain, derrière une tête, éloignant le fier et majestueux cerf de sa trace, détournant le parcours du balafré, le magnifique chat gris surgit du refuge de notre ami. Ses mandibules crissent, ses antennes trahissent sa présence, son œil aux multiples facettes, comme les facettes de la pierre qui pousse dans la main d'Elio, capte le chatoiement du soleil au travers des branches, se fixe sur l'intensité rouge, sur la chaleur vive et animale d'Elisheba. Puis capte le reflet intermittent trouble du Kuolia. À ma perte, à l'idée d'avoir perdu ces souvenirs qui chatoient sur les branches dans les rayons du soleil. Si je recherche mes racines, j'ai l'impression que je vais solitaire ainsi qu'un nuage. Un nuage qui plane au-dessus des vosges et des monts. Et si soudain je vois la foule de mes amis, je les confonds avec des jonquilles d'or, une légion qui pousse au bord du lac, sous les branches grises, flottant et dansant, gaiement à la brise, serrées comme sont au ciel les étoiles qu'on voit scintiller sur la voie lactée. Elle s'étend sans un intervalle le long du rivage, au cœur de la baie. J'en vois des milliers, je pense, je vois s'agiter leurs têtes en leur folle danse, Les vagues dansent pleines d'étincelles. Les ailes dansent plus allègrement. Puis-je rester, poète, auprès d'elle, sans être gagé par leur engouement, l'œil fixe, ébloui, je ne songe guère aux riches présents qui me sont offerts. Car si je repose, absent ou songeur, alors la vision vient illuminer l'œil intérieur qui fait le bonheur de ma solitude. Et mon cœur, alors débordant, pétille de plaisir de voir danser ces jonquilles. Et j'oublie un temps seulement. Sombre silhouette qui se dresse erratique derrière moi, étendant ses pinces, jouant des mandibules prêtes à m'assaillir. Et qui quand on entend, je peux interpréter les fiancés, c'est-à-dire je peux les jouer au travers d'un flashback. Tu vas parler d'un temps, un temps qui va distendre ce que nous venons d'énoncer, et tu vas introduire un nouvel élément. Ou tu peux faire surgir un objet qui va avoir son importance, ou ajouter des éléments au décor, à ton choix. Secours collectif et choisir de nous avertir du danger, repousser cette ombre surgie des forêts fractales, c'est toi qui nous dis ce qu'il en est, convoquer Elio qui n'est pas là mais qui est là en même temps, interpeller Vassili, tu as l'embarras du choix. Ou évoquer ce que fait le cerf ou le kitsune. Peut-être que le kitsune est doté désormais d'une septième queue. Tu peux sauver évoquer un souvenir, donc une introspection. Ou tu peux aider. Moi je sauve. Vas-y, je t'ai coupé. Mais comment? C'est ça qui est dur. Elle fait quelle taille? C'est toi qui nous le dis. Ok, imaginez, elle est toute petite. Mais en quoi est-elle menaçante? Notre ami Vassili a suggéré que la toile que tendaient les forêts alentours s'étendait sur la chênaie et que la chênaie avait changé de nature. Que des choses sombres s'y glissaient, n'est-ce pas? J'ai une idée. Ça peut être qu'elle est sur une toile. Et qu'elle est en... Ce pourrait être l'une de ces choses ou ce pourrait être tout autre chose? Tu peux nous introduire une révélation? Je suis tout de suite la tête sur sa toile. Ou alors elle fait jour soir. Et elle se tient sur sa toile. J'ai de quoi me défendre? Bah oui. Je crois que j'ai des crocs, je le sais. De redoutables crocs, non? Ouais. Ouais. C'est une solution. Parler plein d'autres. Ouais, je vais pas me compliquer la vie, hein. Qu'est-ce que tu sens, ce que t'as envie de faire? Du t'es coup, pas obligé de rebondir exactement sur ce que je viens d'évoquer. Tu peux aller devant, dans le temps, évoquer autre chose. Te contenter d'évoquer ta relation avec ton ami le cerf. Oui, mais tu peux très bien négliger que je sois, c'est pas... Non. Non. Ouais, c'est pas compliqué la vie, là. Je saute dessus, voilà. Tu te jettes sur la créature de tous tes crocs, c'est cela? Oui. Tu bondis dans un jappement féroce? Je crois que je ne me complique pas la vie. Hein. Ouais, un dé. Ouais, bah oui, c'était prévisible. Et dans ce cas-là, c'est ton... J'étais ici. Oui, oui. Mais toi, ce serait... C'est mon physique. Ouais. Moi, j'ai zéro. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Il faut que je fasse des pompes. Est-ce que Vassili pourrait intervenir dans la scène? En quoi? Tu prends un bâton. Une branche. Tu piques la massue. Et de ta branche, t'essayes de... Ouais. C'est pas parce que... Alors, c'est pas parce que t'es pas là que ta massue, elle a disparu. Bah si, je... Donc on va déjà... Ok, bah elle a fait... On va voir ce que nous dit le hasard. Bah, c'est 0% de chance de réussir. C'est 8 mai à tous les coups. C'est quelle compétence du coup? Physique pour, bah là, pour elle, zéro de physique. Et physique pour toi aussi. T'as combien de physique quand je rigole? Ouais, c'est ça. T'as combien de physique? Il a, je pense, le même que toi. Zéro. Ouais. Autant qu'il y a deux dedans. Ça va bien. Oh. C'est pas grave. Donc, ouais. On va tous se... Oui, mais ou non. Bah, ça se trouve, elle est gentille, elle dit mais pourquoi tu me mords? Oui, mais ou non, mais. Donc, toi, il y a 4 chatons qui. Bah, non. T'es pas toi en dessous de 2 là. T'es en l'occurrence, t'as 1, t'as 0, donc t'es à 1. Oui, bah j'ai 1. Oui, donc 1. Donc, c'est non et ou non. Et. Ouais, non. Non, non. Et bah là, c'est plutôt non. Et, donc, en revanche, par rapport à ce que t'as dit, là, si ça se trouve, elle va pas nous en vouloir. Elle fait, pourquoi tu me mords? Je pense pas que t'aies ce genre de réaction. Tu viens menacer les 4 chatons. Les 4 chatons te mordent, te griffent. Et toi, tu vas rien faire. Va coucher. Voilà, il y a... Ouf. Donc tu te jettes à sa gorge et on peut demander l'interprétation. Vas-y, lance un dé. Bon, allez, je vais lancer. L'incendie, vas-y. Toi, tu nous dis ce que tu fais avec ton bâton. Ouais, 4, tu vois, tu nous sauves la vie. Alors, Donc, toi, tu interviens et alors qu'elle se jette sur la gorge de la créature qui... Bonjour. La grippe. Ouais. Nécessaire. Alors, je vais prendre non mais parce que le non, c'est... Donc là, c'est le non et puisque c'est non, elle n'y arrive pas et la créature la grippe. Donc non, je ne cherche plus. En fait, je n'y arrive pas parce que je ne le cherche plus. Mmh. Parce que comme je la vois qui se fait agripper par la créature, je juché sur elle. Et ben, j'arrive à de mon bâton à couper ses pattes et du coup, tu es libre. Yeah. Délivré. Ouais. Libre. Tu es libre de tes mouvements et que faisons-nous? Nous rejoignons la rive de toute la vitesse dont nous sommes capables. Non mais non, c'est le rôle physique, c'est pas un bon livre. C'est cela? Oui. Et je dirais que... Oui. Et la créature commence à reculer, puis s'avance. Recule, s'avance. Ah, elle hésite. En fait, c'est un bot qui bug. 6. Ouais. Oui, mais. Oui, mais on perd, tu sais. Oui. Oui, si on gagne. Tu as frappé la créature, elle l'a chu dans l'humus. Libérant notre ami le Katsune qui a bondi et s'est éloigné à vive allure vers la berge. Oui, mais avec dans son sillage un cerf au ramage majestueux et une petite ombre grise felante. Tu as encore un en main ton lourd branchage. La créature gît sur le sol tel un ignoble cancrela, les pattes recroquevillées sur elle-même, prostées sur le dos. Tu vois ses mandibules s'agiter puis se figer. Ah bah elle est morte. Non. Ça fait comme une mouche. Tu décampes. Nous décampons ensemble, je te tire. Gagnons la rive vite! Bah là, on a deux sauts. Ouais, je... Je te donne une grande claque dans le dos en guise d'encouragement. J'ai dit cela et ma voix est revenue. Cool. Et je semble ralentir. Pourquoi? Je m'arrête dans mon mouvement, toi tu poursuis. Non. Et tu vois. Je t'attrape. Et tu m'attrapes, et à ce moment-là, tu vois la créature bondir. Et... Ok, sur qui? S'installer lestement sur mon dos. C'est Kélissaire enfoncé dans ma nuque. Mais saute! Bah, elle est toute petite alors. Enfin, j'essaye de te propulser vers la berge. Enfin, vers. Dans le bassin lui-même. Ouais, dans l'eau. Bah les insectes ça aime pas l'eau. Ouais. Ouais. Ça dépend desquels. Ça dépend desquels, mais la plupart, de toute manière, il y a des chances que. Et là, vous voyez un Elio arriver comme ça. C'est 6 ou 1? Ouais, c'est un 6. Et bah, il fonce dans la bestiole et il se débrouille. Oui. Ah oui, parce que il faut une compétence, quoi. La bestiole elle a. Alors oui, mais du coup. Je suis pas sûr que ça aide, voilà, je sais pas. Et tu me projettes dans l'eau. Dans l'eau. Mais... Et... Moi je vais te chercher, moi. Je patauge, je nage comme nagent les chiots désespérés. Oui. Et je vais te chercher, attends, oui. Je vais couler avec lui. Je m'agrippe à toi. Et tu me tractes. Ouais. Et la bestiole, elle est où? Xavier, comme on est sur la berge, maintenant, normalement, tu peux intervenir. Oui, bah moi, je fonce vers... Et tu viens nous aider. Aide-moi à remonter, vas-y. Et tu nous hisses tous les deux. Ouais, et ma mais ma capuche tombe. Oh, d'accord, ça te va bien. Je me noie, mais je dis, oh, ça te va bien. Je suis frissonnant sur la berge. T'es vivant. Ok, ouf. Mais t'as des blessures à la nuque. Oui. Il y a du sang qui coule. Je vais t'aider. Je sais pas, j'ai zéro de médecine. Non, je... Comment moyen je sais. Le matériel. J'ai un de matériel. J'ai deux de matériel. Deux de matériel. Mais je peux t'aider. Vas-y, t'as deux de matériel. Sors un truc de ta poche. J'ai des pansements. Yes, allez, donne les pansements. Tu vas penser à ma plaie. Oui. T'as pas de désinfectant au passage? Ah si, j'ai même du gel hydroalcoolique. Je pense que si tu léchais la plaie. Non. Non. C'est pas un chien. Non, non. Non, ça va l'infecter. Tu es un renard. Oui, je sais. Oui. Si tu léchais la plaie. Mais non. Toi. Ma sœur de Medjurier. Mais je sais, ça se trouve. Toi, dormeuse. C'est une très mauvaise salive. Idée. Et moi, je tiens ma massue. Chasserai. Non. Ce que m'a inoculé la bête. Non. Non, car cela apporterait. Et la bête, elle est où? Qui va avoir le coronavirus. Non. Des microbes qui ne sont pas souhaitables pour ton. Elle est où la bête? Ton métabolisme. Bah, elle est dans l'eau. Toi, elle est noyée. Toi, tu n'es pas renard. Bah, dans la boue que j'ai. Nous sommes tous dormeurs. Peut-être, mais nous ne sommes pas des renards. Mais elle est une dormeuse. Elle est un dormeur. Je suis un dormeur. Dors. Nu. Et toi, ôteras-tu le poison qu'a inoculé cette créature en moi? Oh mais il est parti. Non, donne le désinfectant. C'est bon. Là, on, en fait... C'est le poison, il donne des hallucinations. Il croit qu'on est des... Quatre. Médecins. Ça fait 5. 4. Oui. Oui, mais... Tape. 4. Oui, mais... Oui, mais... Mais t'as plus de désinfectant. Mais non. Non, oui, mais... T'as pas de pansement, tu sais. Oui, mais... N'avais-je pas... Quelque chose est... Pardon. Oui, mais quelque chose est changé en toi. Yes. Mais non, il va se transformer en araignée. À toi de définir le point. Et moi, j'ai ma massue. Enfin, le fait que ça... Que... Enfin, moi, je trouve ça intéressant le plus que... Donc, je laisse décrire ce qui, selon toi, est différent en toi. Alors que vous êtes au bord de l'eau, nous laissons le temps filer. Le temps s'inscrire dans le paysage. Vous avez un regard par moment sur moi, mais ce dont vous assurez dans un premier temps, c'est que cet insecte ignoble est bien coulé au fond du bassin. Les eaux sont simplement troublées par la bise désormais. Des petites vagues comme celles que j'évoquais au-dedans de moi. Le grand cerf est venu sur la berge. Il s'abreuve. Puis, lentement, va se délecter des feuilles les plus vertes, les plus vives, de la des basses branches de l'arbre auquel je suis adossé. Et puis je reviens de quelque chose. Nous sommes venus là pour nous ébattre, pour oublier nos tracas, mûrir notre décision face à nous. Il y a ce vieux panneau rouillé. Attention, danger. Risque de monter des eaux par suite du fonctionnement de l'usine hydroélectrique et du barrage situé en amont. Mais là, les eaux sont au plus haut. Le panneau semble lui-même flotter sur ces eaux qu'agite le vent d'après-midi. En est-il parmi vous qui se trouvent d'humeur à se plonger dans l'eau du bassin? Après avoir vu la bestiole se ruer et tomber dans l'eau, je suis pas vraiment. Moi, ça dépend. Moi, ça dépend. Oui, je pense que cette eau... Tu es déjà mouillée. Un peu, oui. Donc c'est pour ça que je me dis que ça dépend. Je pense que cette eau... Tu ruisselantes d'eau. Sèches-tu tes vêtements? Pelage. Tu crois que je vais décrocher? Lisses-tu ton pelage? Peut-être. Meilleure réponse. Peut-être. Alors que tu le fais timidement, le cerf s'approche de toi. Oui. Et de sa langue vient lisser à l'unisson. Je suis pas un bébé. Mais. Il vient ôter l'eau. Je suis un bébé renard. Tu es une renardo. Oui. Tu es un renardo? Non, bah d'eau. La blague. Pardon. Et moi, on remarque que des boucles laineuses ont commencé à pousser sur mon visage. Pour ce jeu de mots. Jeu de mots nul. Revenons à nos moutons. Est-ce vraiment un temps d'insouciance? Est-ce que le geste d'affection, d'attention qu'a pourquoi le cerf dissipe l'attention qui s'était nouée en nous par cette attaque de la forêt qui ronge le paysage? Est-ce suffisant à dissiper nos craintes? Pour moi, oui. Et quelle conviction nourris-tu alors? D'après toi, que convient-il de faire? Devons-nous nous rendre au-dedans de Medjugorje pour libérer nos frères? Protéger la... La forêt pied à pied? Qu'est-ce qui te dit qu'il faut protéger la forêt pied à pied? Bah, c'est ça. Étant donné que j'ai construit une cabane et que j'y ai vécu beaucoup, je me suis fait des amis et que je tiens à cette forêt, je pense qu'il... Pour moi, je prépare... ferait protéger la forêt. Et toi, Elisheba, quel est ton sentiment alors que tu contemples les eaux de ce lac artificiel, ce lac créé par le relâchement du barrage? Qui vois-tu? Que vois-tu dans ces eaux? Dans l'absence de cette créature qui a surgi de votre chaînée familière, qui a menacé nos vies l'espace d'un instant. C'est justement que je me dis, on n'a presque aucune chance devant cette forêt qui avance. Tu ne partages pas l'enthousiasme de ton ami Elio? Arrête de me faire ça, toi. Arrête de me mal douer. Non. On pourrait peut-être aller chercher des... Non, d'autres personnes pour nous aider. Ok, je vais dans l'eau, tu sais. Quelle autre personne pourrions-nous trouver? Bah, les dormeurs, par exemple. Comme ça, après, on retourne dans la forêt et on fait pan, pan, pan dans la forêt. Bonne idée. Comme ça, t'es content. C'est bien. Et vous voulez voir la cabane que j'ai faite? Elle est juste à côté. Et comment... Bon, on fait comme si, de rien n'est... Bah maintenant, tu te souviens quand on a essayé de s'introduire dans un endroit, maintenant on a la taille. Un peu plus. Nous avons grandi. Oui, donc on a plus la taille d'un aîné. Oui. Donc on pourrait se faire passer pour... et faire sortir tout le monde. Et comme ça... Ne penses-tu pas que... tes mains qui sont devenues des pattes. Moi, je mettrais des gants. Nous et mes cornes et mes poils. Et mes et poils. Et les tiennes. Et mon cristal. On ne pourra plus lire. Moi, je mettrai des gants. On ne pourra plus entrer par... Parler. Il faut aller faire des pattes avec des doigts. C'est rien. Si tu mets des gants, ça passe. Il faudrait que tu renonces à ta condition. Bah non, mets des gants. Moi, je t'aime tel que tu es. Je ne voudrais pas que... tu renonces à être le goupil que tu es devenu. Pour entrer au-dedans. Et moi, comment je fais avec mes poils? Moi, tu restes ici. Il nous faudrait renoncer à la forêt. Bah, moi, je renonce pas. Parce que je l'aime bien, cette forêt. Je sais pas. À part rentrer comme ça, bonjour, je suis un goupil, ne faites pas attention à moi, je vais chercher les dormeurs, allez. Mais au pire, s'ils nous attaquent, on les attaque en retour. Toi, tu rentres dedans. Tu rentres dans le tas. Les drones auront au fait de nous estourbir, et ils ne le considéreront plus comme des dormeurs désormais. Oui, c'est pas. Oui, mais moi, j'ai toujours la marque. Moi aussi, mais. Nous avons la marque. Mais ça change quoi? Mais elle est cachée sous les poils. Bah, il faut me raser. Mais pas moi. Moi, mes poils, ils arrivent. Là, ils... Regarde. Ah, ils ne poussent pas sur ta marque, les poils. Ouais, pas toi, pour le moment. Toi, t'as un mouton, toi. Avec des cornes. Je suis un bélier, je suis pas un mouton. Je sais. Mais tes petites bouclettes, on dirait. Non, mais un bélier, ça a des bouclettes aussi. Je sais. Mais c'est la première fois que j'ai... La première chose que j'ai pensé en me voyant. Désolée. Il pèse juste à bord. Et tu as même pas pensé en voyant mes cheveux? Si, c'est pour ça, j'ai pas vu tes cornes au début, c'est pour ça que j'ai pensé à un mouton. Arrête ou te fonce dedans. Seriez-vous l'un et l'autre prêts à renoncer à votre état nouveau? Mais non. Toi, tu n'as pas changé, si. Il y a quoi qui a changé? À part le jour de l'accident. Quand ma lèvre s'entrouvre, il y a un fil qui passe. Un serpent. Un fil comme un filet de bave que tu entres. C'est un escargot. Tu aperçois qui suspend à ma lèvre et je passe ma main. Oui. Je crains que moi aussi la forêt m'ait changé. Je n'avais plus de voix, je l'ai retrouvée. C'est l'effet de la dissonance. Bah au pire, vous y allez vous deux. Il y a pas de l'herbe pas loin. Et s'il y a un problème, vous nous appelez. J'ai broté toute l'herbe de chez moi. Où est-ce que tout le monde trouve? Il nous faudrait... Il nous faudrait quelque chose qui nous permette de rompre avec notre état. Il faut renoncer totalement à notre état nouveau. Si nous voulons être acceptés d'elfes... Oh, rien. Nous devons renoncer à notre état nouveau. Si nous voulons être acceptés d'elfes... Nous devons renoncer à notre état nouveau si nous voulons accepter. On n'en a peut-être pas besoin. Nous voulons. Nous devons. Pourquoi? Quoi? Que dis-tu? C'est toi qui as dit quelque chose. Il a oublié. Tu as oublié? Et qui veut voir ma cabane? Il y a même plein d'herbe à brouter. C'est pas mon truc de brouter l'herbe. Je pense que je peux faire quelque chose. Quoi? place sa main sur la tienne. Et là, de la soie se dépose sur ta main. Ok, au revoir. Allez, au revoir. Sur ta patte. Il fait quoi? Et dans le sillage, tu vois que ta peau, ici, redevient mou et lisse. Tu vois, la dissonance s'exprime. Je peux le faire. Merci. Mmh. C'est ton choix. C'est votre choix. Si... si vous acceptez la dissonance, vous recouvrirez tous les deux votre état de dormeur. Non, c'est bon. Je veux pas dormir, moi je veux bronzer. Mais c'est pas grave. J'ai dormi hier soir. Si. Sinon, comment protégerons-nous la forêt? Je ne vois que cette solution. Bah toi, tu vas faire comment? Moi, je vous servirai à exprimer votre qualité de dormeur. Non, c'est bon. C'est bon, ça va suffire. Non, c'est bon. On est d'accord. Mais après, comment on va réacquérir notre... Lorsque nous aurons libéré peut-être nos amis, les autres dormeurs, peut-être qu'alors, à nouveau, j'aurais le programme s'exprimera. Inconforme. En plus, elles sont pas abîmées à cause de... Inconforme. Mais on n'est pas obligé de faire copain-copain avec elle, si. Ben, on peut taper sur les caméras. Mais... C'est le seul moyen que je connaisse. En connais-tu un autre, toi, Vassili? Il ne faut pas rentrer. J'en suis convaincu. Je ne connais pas d'autre moyen. Mais pour moi, le mal vient de... Il est tout autre que la forêt, il est tout autre que la matrice, mais en aucun cas il ne faut rentrer. Serait-ce le mal que m'a inoculé la créature, cette dissonance qui s'exprime et qui altère... altère... Je tends la main vers toi, et dit Sheba. Tu vois que le bout de mes doigts ne figure plus de la peau, mais sont couverts de chitine. Et se sont rejoints. Ici, il y a une soie qui pend. Tu y vas. Je crains que si nous restions ici, tous ensemble... Tu vas trop se revancher. Baigné comme renard, ou même enfant d'homme, comme le dit Vassili, nous sommes exposés à une grande menace qui est celle que porte la forêt fractale. Elle m'a atteint. Mais si vous acceptez en retour d'être atteint par elle, forte, toi, Ilisheba, de l'amour de la forêt que te tend ce cerf, et fort de ton amour pour la forêt, toi, Bélier, alors vous saurez redevenir des hommes comme Vassili. Mais il faudra vous décider avant que inconforme. Et là, doit dans mon œil des chiffres rouges défiler sur ma rétine. Ok, c'est un ordinateur. Il s'est pas enlevé par elle. Faut pas lui faire confiance. Et tu vois sur ta propre rétine. Nous sommes des robots. Nous sommes des dormeurs. Non. Moi, je fais brouter. 17. Bah, 4, 4. Et 3. Allez, sur les deux. 20. Voilà, je suis à 3. Et 6. 26. 17, 21, 3, 24, 6. Il faut trouver une suite qui permette 24, à la dissonance de s'exprimer, de se résoudre. Bah, c'est simple, on des cache forces des feuilles. Antagonistes s'opposent en nous. Le sang bleu des dormeurs irrigue nos veines et lutte contre l'expression de la chaîne. Et d'autre part, la forêt fractale avance. Elle me ronge tout à fait. Et quand la nuit adviendra, je ne serai plus. Je ne serai plus le Qualia que vous connaissiez. Que seras-tu ? Je serai le visage familier que nous avons affronté. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ? De la bière. Ok, je bois pas. C'est pas le pire. Les odeurs montées de la chaînée. Je sens rien du tout. Je sens rien. Alexandre, je n'ai bouché. J'ai plus d'odorat. Ah, pourtant, t'es qui ? Oh non, je vais boire. Pourtant, oh, t'es censé être Kitsu. Quoi ? Ils sont censé être Kitsu. Oui, je sais. Mais ça se trouve, c'est l'odeur est tellement forte que je la sens pas. Non, mais ça se trouve, je vais la sentir dans mon verre. Non. On va faire quoi ? Texture comme ça. Non, on dirait non. De la bave. Ah, c'est du shampoing. C'est du champignon ? On dirait du shampoing. Hein. Papa, c'est quoi ? C'est du shampoing ? Non, c'est pas du shampoing. C'est quoi ? C'est d'huile. Non, non. Non. Ah, bon. Non. Non. Comment je sniffe hein. Ça, ça. Il va te remplir à fond. Stop. À fond les ballons. Déjà, c'est trop. Hein. Tu sens quelque chose ? Ou toujours pas ? Ça sent l'eau, donc l'eau n'a pas d'odeur. Donc... Et là, la pâte où il y a mon cristal, et ben, y a plein de poils qui ont poussé. Oh, c'est une boule de poils. Nous sentons toute la force de la forêt autour de nous. Mais c'est du shampoing. Notre Oui, c'est du shampoing. Jamais goûté. T'as une drôle de définition de shampoing. Hein. Bah quoi Le balafré comme qu'est-ce que c'est le grand cerf. Moi, ouais, c'est du shampoing. Shampoing. On dirait ça a le goût de shampoing. Quoi La kombucha. Bon, je sais pas ce que c'est. Mmh. C'est une boisson naturelle faite à partir de shampoing. Pas d'alcool. Pas du tout, de champignons. Y a pas d'alcool. Rassure-moi. De après, champignons, de fleurs. c'est entièrement naturel. Champignons hallucinogènes. Le vin aussi, c'est naturel. Papa, y a pas d'alcool. Rassure-moi. Non, tu vas pas être bourré à la fin. Pas du tout. Parce que ce serait une horreur si j'étais bourré. Hein. Sur moi-même, je me recroqueville, un peu comme s'est recroquevillée la créature que la rapidité de réaction de Vassili a su jeter au tréfonds du lac qui s'étend au-delà de la berge. Vous voyez mon visage s'agiter, parcouru de mouvements comme si... les plaques osseuses qui composent mon crâne étaient en train de se déplacer. Je ne parle plus, mais vous entendez ce que je dis. Cela siffle en vous. Choisissez. Acceptez mon baiser d'araignée. Ou tuez-moi. Non. Mais... Si maintenant recroquevillé en position fœtale et mon corps est parcouru de spasmes. Ok. Et on fait quoi, même si j'adore les araignées? Ma noisette s'est déplacée au fur et à mesure. Hein, et à chaque fois, je l'ai signalé. Ok. Oh, j'ai pas vu. On fait quoi au fur... On fait quoi, monsieur? J'aime tant les araignées. Est-ce que tu te sens une affinité pour ce qu'est devenu Qualia? Oui. La pitié te saisit-elle? Donc j'ai même demandé. Il demande un baiser d'araignée. Soit d'accepter son baiser d'araignée. Bah, je l'accepte. Non. Soit. De le tuer. Le tuer. Ouais. Bah, moi, je fais aucun des effets. Non, sinon, il va me tuer, moi. Son baiser dernier. Y'a que toi qui l'acceptes. Toi, tu l'acceptes? Bah, c'est suffisant. Logiquement. Moi aussi. Moi aussi, je suis dans la même situation que toi. Je tends ma tête vers toi. J'aime bien les boucles. Moi aussi. Non, moi, j'aime bien les boucles. La peau autour de. Ce que fut mes lèvres se rétractent et laissent sortir deux mandibules. Et là, il va te piquer. Je t'avais dit. Qui viennent poinçonner ton poignet. Un suc vient couler. Mais il va se faire manger. Non. Il va devenir tout mou. Un suc chaud et tu sens refluer l'odeur. Qui vous entourait jusqu'à présent, qui nous entourait, nous ou vous, c'est trouble difficile à dire. Attention, j'ai un stylo. J'ai un stylo. Que choisis-tu au sein de la proposition Il hésite. Moi aussi. Qu'est-ce qui te fait hésiter? Bah, j'hésite. J'ai pas envie qu'il meure, j'ai pas envie qu'il me pique. Voilà. T'as mal? Ok, mais je veux pas comment. Tu as ressenti une douleur brève, puis plus rien. Juste une chaleur qui vient inonder ton corps. Bah, c'est l'inverse. Dès qu'on a fait une piqûre, on a eu le froid, et maintenant c'est la chaleur. C'est bon, t'es pas tout mou, t'es normal? Oui. Ok, c'est bon. À l'endroit de la piqûre, il a gardé son poignet visible. Vous voyez le bras enflé, puis parcouru de... De petits spasmes. Voilà, de petits... Il va se transformer en araignée. De la peau qui viennent entourer la plaie. Les deux points d'entrée sont cerclés de rouge, puis disparaissent. Comme il est de coutume pour un dormeur, puis réapparaissent, puis disparaissent. Ok, moi je ne veux pas. Mais je te tuerai pas non plus. Alors il va nous tuer. Il se tourne vers. Il a redressé son visage. J'emploie le il volontairement. Il porte son regard et cherche à croiser le tien, même si tu te dérobes. Quel regard. Il n'a pas besoin de te toucher ou de s'approcher. Il est toujours penché. Et là, tu vois son regard en regardant simplement la branche. Ok. Il y a une toile. Là, une autre toile. Je deviens folle. Ok, je m'en vais. Et tu vois juste son regard implorant. C'est l'araignée. Son regard implorant et tu... Non. sont ces deux mains qui étreignent les tiennes et qui disent... Et il te dit... Pitié. Accepte. Accepte mon baiser. Il ne te sera pas mortel. Il chassera juste Kitsune. Il a une grande larme. Cool. Tu me revois ce petit jeu. Ou alors tue-moi. Libère-moi. Non. Que je ne souffre pas en vain. Non. Je vais disparaître. Totalement. Je serai noyé avec celui qui nous poursuit. Je ne veux pas cela. Je ne veux pas être celui qui viendra te dévorer. Bah fais celui-là. Je suis sûr il a envie. Tue-moi. Non. Tue-moi. Non. Il veut. T'as vu, il veut. Non, et là, je touche le sol comme ça. Non, allez, donne ta main. Oui. Tu veux l'en empêcher? Non, je veux qu'il... T'es toujours pas bizarre. Ok, il répond plus, il est quoi, mort. Quoi? Il veut. Plein. Tu sens les deux mandibules qui pénètre dans ta peau. Ça fait mal. Mignon, mes moutons. Et tu sens refluer les odeurs autour de toi, les senteurs. Ce que tu sens revenir, devenir prégnant, c'est le souvenir du ventre de Meshgorié. L'odeur de champignons. Je suis désolée. L'odeur forte du dedans, du dortoir. Le cristal, il est resté. Et là, il disparaît. Ton cristal, il tombe. Bah, c'est bien, t'as un joli souvenir. Mais j'ai un trou. Non, tes chairs se reforment et deviennent lisses comme celles de la peau d'un bébé. Oh, t'es tout doux. Non, la main, je t'en supplie. La main. Je ne veux pas être celui qui viendra te tuer. Oui, mais si, on te fait. Matsu. Je ne serai plus moi-même. Je peux m'en occuper si tu veux. Lorsque la nuit sera pleine, lorsque la lune viendra jeter son regard sur le lac, je ne serai plus Kualia. Je serai la créature qui te poursuit, car je sens sa voix en moi monter. Je ne peux résister à son cri, à son appel. Il est aussi silencieux et aussi puissant que celui qui m'a permis de la repousser la dernière fois. Mais si je te donne, admettons que je te donne ta main, tu sais, je fais de la conversation. Tu redeviendras normal? Non, il faut que tu me tues néanmoins. Non. Je t'en prie. Non. Elio. Chut, Elio. Elio. Libère-moi. Je ne veux pas être celui qui... T'es mort. Je lui donne déjà un coup. Un seul. Oh, il est évanoui. C'est tout. Il s'affaisse. Non, meurs pas. Bah quoi, il a dit de culture. Bah, c'est toi qui iras, pour la peine. Repose maintenant sur le sol. T'es pas mort. Boum! Non, arrête-toi! Ouais, mais s'il va me manger, non? Et puis regarde, à cause de lui, j'ai perdu mon cristal et mes cordes. Bah, tu peux le récupérer, ton cristal. Il m'avait même pas dit que ça allait faire ça. De toute manière, c'est moi qui vais te manger maintenant. Et tu as pas accepté sa morsure? Non. Et comment tu vas faire pour rentrer? C'est ta faute! Tu l'as tué trop tôt. Tu dépendras entièrement de tes compagnons et tu seras visible aux yeux de Elf comme... Attends. C'est toi qui l'as tué trop tôt! Fallait pas le tuer trop tôt! Ouais, mais t'avais dit que tu voulais pas. Bah, j'ai pas dit qu'il fallait le tuer non plus. Bah, si, il l'a dit lui. Oui, mais il écoute pas aussi. Il est mort. Il est encore temps. Là, aïe, aïe, aïe. Et je le retape derrière. Boum. On a dit pas d'araignée. Bon moment, là. Et je re-retape. Mais non, c'est bon, il est mort. Hein. C'est bon. C'est bon. Tu vas pas nous manger. T'as fini. Maintenant, son corps gît sans vie à tes pieds. Non. Si tu bouges, je te retape encore une fois. Toi, si tu bouges, je te mange malgré que je suis redevenue humaine. Je suis cannibale. Vous sentez non. Tous en vous ce qui vous attachait au bois prendre une distance. Adieu. Refluer. De toute manière, ça va revenir. Refluer, s'éloigner. Tu ne vois plus le grand cerf. Il a disparu. De même que le balafré. Ils ne sont plus autour de vous. Non. Après, on va Qu'est-ce que tu auras gardé du grand cerf? Qu'est-ce qui en toi conservera la présence du grand cerf? Une photo. On fait un selfie. Non, un bout de bois planté dans l'arbre dans lequel il donnait des coups. Non, je sais. Un de ces vieux bois. Oui, c'est ce que quelqu'un dit. Ah, je croyais que c'était. Tu parlais du bois de l'arbre. Tu sais où se trouve un de ces bois et tu vas t'en emparer. Je l'ai déjà récupéré. Tu l'as récupéré. Oui. Et tu le conserves maintenant comme un lien avec lui. Oui. Et moi, de mon chat, j'ai... Une canine. Non. Non. Une crotte. Non. Je lui avais fait un collier avec des herbes. Et il est au sol maintenant. Quand je le ramasse. Un collier d'herbes pressées. C'est ta faute. Et c'est un bracelet que tu portes maintenant au poignet. Ouais. Ça, c'est ta faute. J'aurais dû le lécher. Tu sais.